Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est de nouveau ensemble pour une émission en différé. D'ailleurs, la prochaine émission en direct aura lieu le dimanche 19 décembre. On aura le temps d'en reparler dans les prochaines émissions, parce que ce sera le lendemain du Winter Reap et on risque d'être un petit peu tout cassé. Mais on fera quand même en sorte d'être bien présent à l'antenne de Radio Béton. Donc dans cette nouvelle émission, eh bien, on va retrouver presque une dizaine de nouveautés. Parce que pêle-mêle, nous aurons les Finlandais de Archgoat, les Allemands de Stillbirth, le Nergal and Friends de Me and That Man, Lockup, également les Français de Cadaveric Fumes et quelques autres encore. Voilà, donc ces nouveautés seront égrenées bien sûr tout au long de l'émission. Émission que l'on commence tout de suite musicalement parlant avec la doublette de vétérans Hypocrisy Exodus. Hypocrisy tout d'abord, les vétérans et pionniers du death metal suédois. Ils sortent leur nouvel effort studio Worship chez Nuclear Blast, toujours aussi efficace et bien fait, même si un peu en pilotage automatique. En même temps, avec une telle carrière, est-ce qu'on peut leur reprocher? Et dans la foulée, une autre sortie Nuclear Blast, donc les Ricains de Exodus, et leur trash toujours aussi efficace, nouvel effort studio Persona Non Grata, They Will Arrive, le titre de Hypocrisy, The Years of Death and Dying, signé Exodus, et bienvenue dans l'émission. Sucks. On continue tranquillement avec la doublette suivante, deux groupes totalement différents. Tout d'abord les Allemands de Derweggener Freiheit. Ils sortent leur nouvel effort studio sur le label français 6-9 Mist. Ce nouvel effort studio s'intitule Nocturne. Du black bah, toujours aussi qualitatif hein, pour Derweg. 7 titres pour près de 50 minutes de musique. C'est comment dire, une alternance entre du black assez frontal, assez primitif, et d'autres passages plus black atmo, voire même post-black, avec quelques lignes même de chant clair. Ça n'est pas sans rappeler bien sûr Harakiri for the Sky qu'on a diffusé récemment, ou Wolves in the Throne Room, et même Agrippni. Voilà pour Derweg, et dans la foulée Black Label Society, toujours emmené par Zakk Wylde. Doom Crew Incorporation, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Black Label Society, un pilotage automatique, toujours qualitatif cependant. Gather All My Sins, le titre pour Black Label Society, et juste avant ça, Derweg, avec le morceau Amram de Der Dunkelheit. C'est parti. La doublette suivante, on a de la violence, mais comment dire, de la violence distribuée de deux manières différentes. Tout d'abord, les vétérans du hardcore anglais Knuckledust qui sortent un nouvel EP In Plain Sight, un nouvel EP surprise pour patienter, même si le précédent album commence à dater, hein, 2016. Et ensuite, une autre forme de violence, donc venue de Finlande, Archgoat, le groupe de War Black qui sort son nouvel effort studio. Bestial Black Death, War Black, tout ça se recoupe un petit peu. Voilà, il y a plein de groupes qui évoluent musicalement. Archgoat toujours pas, c'est toujours bête, violent, méchant. Et c'est parfaitement ce qu'on attend. Cinquième album studio, le troisième qui sort chez Des Bébés en Mortie Productions. Voilà, les présentations sont refaites avec les Finlandais de Archgoat. Worship the Eternal Darkness, l'album est déjà disponible. On va s'écouter le titre Heaven et Blaze. Et juste avant ça, Knuckledust avec le morceau Settle. C'est parti. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Béton, on est toujours dans l'émission Hellbanger pour une émission en format différé. Doublette suivante avec cette fois Tower. Tower, cette formation qu'on a découvert récemment, hein, qui a bénéficié d'un chouette focus la semaine dernière dispensé par Thibaut. Une sortie sur la belle Cruz del Sur Music, on est sur du heavy, dans la plus pure tradition du heavy américain des années 80. Une formation avec une chanteuse qui a une tendance presque punk, mais vraiment rugueuse rock. À la croisée des Lita Ford et autres Tina Turner. Tower, un second album de très très grande qualité, un Shock to the System, on s'écoutera le titre I Red Gun, et dans la foulée Anomaly, changement radical de style avec leur nouvel effort studio Transformation, une sortie sur le label Art of Propaganda Records. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Anomaly? Voilà, formation black metal qui nous vient d'Autriche, inspirée notamment par les groupes que j'ai pu citer un peu plus tôt, tels que Harakiri for the Sky. Sept titres pour ce nouvel effort studio, Trans 1, 2, 3, etc. Et là, on va s'écouter la piste numéro 2 pour Anomaly. C'est parti pour la doublette Tower Anomaly. We'll be right back. Rapproche tout doucement de l'aspect française, hein, cette session spécialement destinée à la diffusion de groupes venus des cinq coins de l'Hexagone. Mais avant ça, on va s'écouter un extrait du nouvel album des Ricains de Pathologie, le groupe de Brutal Death qui sort son nouvel effort studio The Everlasting Plagues, une sortie déjà dispo via Nuclear Blast, Procession of Mangled Humans, c'est le titre qu'on va s'écouter, et dans la foulée de Pathologie, Swallow the Sun. La formation finlandaise de mélodique, mélancolique doom, légèrement death, légèrement gothique, hein, 8e effort studio en 20 ans d'existence. Voilà, le groupe scandinave est très très régulier dans ses productions dépressives et contemplatives. Swallow the Sun, This House Has No Home, extrait de leur nouvel effort studio Moonflower, déjà dispo chez Century Media. Yeah. crosses I love, I held on my side. I kept on my side, and I need to go where I don't have to fight inside. Il y a quelques instants, on attaque maintenant l'aspect française, une demi-heure à peu près de groupe uniquement français. Cette spéciale pour ce soir, on va l'entamer de la meilleure des manières avec une des toutes meilleures sorties de cette fin d'année en France, Plebeian Grandstand, le groupe de Black Chaotic Hardcore plus. La formation toulousaine qui nous sort Rien ne suffit, une autre sortie des Mémures Mortis Productions. Très grande qualité ce nouvel effort studio de Plebeian. N'hésitez pas à réécouter l'émission de la semaine dernière. Pareil, Thibaut nous a brossé un superbe focus sur la formation venue du sud-ouest. On s'écoutera le morceau Angle mort. rien à voir avec les clignotants. Et ensuite, Cadaveric Fumes, ce crossover venu de Bretagne, crossover entre deux formations bien réputées, hein, Venefiction et Necrorage. Cadaveric Fumes, on est forcément sur du putrid death bien old school et caverneux. Un petit côté blacken dans les riffs qui sentent le soufre et le mazout. Il semblerait que ce soit le premier et dernier effort studio, puisque le groupe va splitter dans la foulée. C'est dommage, parce qu'on a eu ça déjà il n'y a pas très longtemps avec Osgaliath. Enfin bref, Cadaveric Fumes, Echoing Chamber of Soul, une sortie prévue le 10 décembre, ce sera donc une avant-première, et on s'écoutera le titre The Steering Unknown. C'est parti.